3. L'embuscade. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Rien ne bouge dans le grand magasin de réserve où les ballots amoncelés s'élèvent très haut. Tout autour, des rayons bourrés de marchandises, sandales, paquets de laine, boîtes de diverses grandeurs cachent les murs, des fouets, des rouleaux de cordes, des licous pour les mules, pendent au plafond. Entre deux empilements de caisses, au fond, une grande fenêtre aux vitres dépolies, donnant à hauteur d'homme sur une cour, laisse filtrer un jour laiteux, blafard. « Voici le matin, » dit une voix étouffée. « Quelque part, à gauche. Dormez-vous, Georges ? Il ne tardera pas s'il doit venir. »« Je ne dors pas. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, » répond une autre voix, contenue à droite. J'ai entendu sonner toutes les heures depuis minuit, écouté tous les bruits, et Dieu sait s'il y en a dans cette vieille baraque. Je suis moulu, j'ai les nerfs malades à crier. Mon cœur bat comme un fou à chaque frémissement. C'est affreux cette veille, le regard fixé sur cette fenêtre qu'il n'y a qu'à pousser pour ouvrir. Oui, ce n'est pas drôle. Moi, j'ai bien dormi sur mon pilote de lainage. Mais je suis courbaturé, par exemple. J'ai un sang de clou dans chaque jambe. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut le portefeuille. Nous n'en avons pas pour bien longtemps, heureusement. Je n'en puis plus. Ce n'est pas que j'ai peur, non, je... Non, mais je suis écœuré. Le mal, le vol, c'est hideux. Et puis, cette incertitude. Lequel parmi ces garçons que je connais depuis des années, que je coudoie du matin au soir, est une canaille? Je les passe en revue l'un après l'autre, et il me semble que tous ont des visages faux. L'idée que d'un moment à l'autre, il va falloir sauter sur l'un d'eux, m'angoisse au-delà de ce que je puis vous dire. Effet du matin, c'est toujours un moment pénible. Ainsi, tenez, quand on vient de s'amuser, on n'est jamais fier lorsque paraît le jour. C'est vrai. Est-ce le regret de ce qui finit ou la peur de ce qui commence? Je ne sais pas, mais c'est triste, plus triste que le crépuscule. Fichtre, vous n'êtes pas drôle, vous. Les veilles vous rendent sentimental. Vous devriez mettre cela en verre. Je suis sûr que vous avez besoin de fumer. Avez-vous du tabac? J'ai oublié le mien. Y pensez-vous, pour qu'on voie la lumière du dehors? Et puis nous n'aurions qu'à mettre le feu. Non, non, tâchons de nous remonter sans cela. Vous avez raison, mais c'est bien assommant. Rien ne vaut une bonne sèche pour vous remettre d'aplomb. Dites-moi, François, qui pensez-vous que ce soit? Pour cela, mon cher, je suis aussi avancé que vous, je n'en sais rien. Mais comment avez-vous découvert la chose? De peur de l'ébruiter, papa ne m'en a rien dit. Vous avez commencé à me raconter hier soir je ne sais quelle histoire de fenêtre, d'espagnolette. Je n'ai rien compris, et vous vous êtes endormi au beau milieu. J'étais éreinté, pensez donc. J'ai rangé l'envoi de laine à moi tout seul. J'aurais ronflé sur une barrique. J'avais l'idée de veiller. Pourtant, mais ce diable de sommeil... Eh bien voici, vous savez que c'est moi que le patron charge d'aérer les magasins de réserve. Depuis un mois environ, chaque fois que j'arrivais ici, le matin, je trouvais la fenêtre ouverte. Pas toute grande, non, bien poussée au contraire, mais la barre de fer hors de son trou. Comme c'est moi qui ferme chaque soir, cela m'étonnait. Craignant de me tromper, je fis l'expérience plusieurs fois, et toujours c'était la même chose. Le soir, je mettais bien soigneusement mon espagnolette en travers, et le lendemain matin, je la retrouvais toujours toute droite. Je n'avais qu'à tirer. Qui diable s'amusait à passer avant moi pour m'éviter cette peine? Quelques farceurs, sans doute, pour se payer ma tête. Mais Bibi, se méfiant de quelque mauvais tour, ouvrait l'œil. Rien ne vint. Pourtant, que diable, il n'était pas possible de passer par la croisée avec les gros barreaux qui la défendent. Avant de m'en assurer, hier soir, en faisant ma tournée, je les ébranlais l'un après l'autre. Je devins bleu quand celui du milieu me resta dans la main. Il était descellé en haut et limé en bas, si finement que cela ne se voyait pas du tout une fois en place. L'enlever pour passer et le remettre n'était qu'un jeu. Cela se corse, pensais-je. Je ne fis ni une ni deux, et j'allais trouver le patron, à qui je contais la chose. Il ne voulut pas me croire d'abord. Le volet, lui, qui est un père pour ses commis, qui les paye si bien, qui ne les laisse manquer de rien, ainsi que leur famille, jamais c'était impossible. Il était sûr de tous ses employés, des petits comme des grands. Pour un peu, il m'aurait dit des sottises. Venez et voyez, lui dis-je, comme dans les évangiles. J'ai été fermé moi-même avant de monter. Je ne suis pas fou ni ivre. Si l'espagnolette a été touchée, vous me croirez, j'espère. Nous y allâmes, elle était tournée. Tu as eu l'idée de le faire et tu ne l'as pas fait? Ou bien c'est quelque farce? Et cela, est-ce une farce aussi? Quand il vit dans ma main le barreau scié, il devint blanc, comme sa chemise, et me regarda, malheur, avec des yeux qui me firent froid dans le dos. Nom d'une pipe, quels yeux! François, me dit-il, es-tu un homme? Oui, monsieur, mon brillant. Il faut battre le fer tandis qu'il est chaud. Veux-tu veiller cette nuit avec un de mes fils pour prendre le voleur? Oui, monsieur, mais lequel? Georges, qui est fort et résolu. Moi, hélas, je suis trop vieux. Je ne servirai pas à grand-chose. Et puis cela me fait trop de peine. Vous arrangerez des ballots de lainage en guise de lit. Vous prendrez de quoi vous couvrir, et un fort gourdin, chacun pour vous défendre. Mais ne frappez qu'à la dernière extrémité. Si c'est comme je le crains un de mes commis qui me vole, il aura plus peur que vous, et à vous deux, vous en aurez facilement raison. Des gourdins, il est bon le patron. Nous en ferions de la belle besogne avec des gourdins. S'ils sont plusieurs solides gaillards, comme je le suppose, nous serions frais avec nos gourdins. Un revolver, oui, voilà qui impose le respect, et ne rate pas son homme. Mais il n'aime pas les armes à feu, le papa. Inutile de les lui mettre sous le nez, par exemple. J'ai pris le mien, j'en ai emprunté un pour vous. Et voilà, les voleurs n'ont qu'à venir, ils trouveront à qui parler. Mais je crois bien que nous serons bredouilles, car pour aujourd'hui... Chut, j'entends du bruit. Non, c'est un rat en bas dans la cave, ou une des nonnes ensevelies dans la maison qui se donne de l'air. Vous savez, ceci est bâti sur un ancien cimetière de couvent. En grattant la terre, on trouverait des squelettes, paraît-il. Brrr. Ce n'est pas gai de penser à ces choses ainsi au petit jour, en attendant un voleur. Voilà que moi aussi le trac me prend. Mais taisez-vous donc, bavard, vous allez faire rater le coup. Vous avez donc bien envie de passer une autre nuit sur ces lainages? Ah, fichtre, non, je céderai volontiers mon tour à un autre. Pourtant, je serais curieux de pincer mon tourneur d'espagnolette. J'ai une crampe terrible à une jambe et je n'ose pas me lever pour la faire passer. Patience, ce ne sera pas long. Écoutez, mais oui, ce sont des pas. Attention, ne bougeons plus. Une forme indécise se dessine sur les vitres. Une main pousse la fenêtre qui cède aussitôt. Un enfant de 15 ans, blond, pâle et beau comme un séraphin, apparaît. Il s'arrête un instant, debout dans la clarté, semblable à un être surnaturel. Puis résolument, il saute dans le magasin. Il va d'un pas raide, d'un pas de somnambule, tout droit vers un gros paquet enveloppé dans du papier brun, l'emporte. Il va remonter, disparaître lorsque deux bras vigoureux l'arrêtent. « Viens nous l'aider, dit une voix étranglée par l'émotion. L'enfant pousse un cri de bête blessée, regarde autour de lui d'un air égaré, puis s'affaisse en murmurant « Maï !» Il est mort, dit le commis, en déposant la belle tête inanimée sur le plancher. Nous lui avons fait une trop grande peur. Non, son cœur bat encore. Prenez du vinaigre à côté, dans le magasin des liquides, le baril à droite. Dépêchez-vous. Là, merci. Frottez ses mains, vous, bien fort. Moi, ses tempes. Oh, je n'en reviens pas. Je croyais me tromper. Il me semblait que je faisais un rêve affreux. J'étais si bien cloué par la stupéfaction que j'ai failli le laisser partir sans l'arrêter. Et moi, donc, j'aurais reçu un poids de 5 kilos sur la tête que je n'aurais pas été plus abruti. Il m'a fallu votre exemple pour me rappeler à la réalité. Ainsi c'était lui le voleur, lui le mignon petit, si doux, si obéissant, que sa mère nous amenait il y a 4 ans, déjà tout tremblant, se cachant dans sa jupe. Qui donc l'aurait cru? Que dira-t-elle la pauvre femme, si honnête, si brave? Quel coup pour elle! Comment lui annoncer la nouvelle? Je ne voudrais pas m'en charger pour tout l'or du monde. Oui, pour une surprise, c'est une surprise, et paumée. Si je m'attendais à l'empoigner, celui-là. Enfin, cela va bien. Nous en verrons de belles maintenant que les agneaux deviennent des loups. On aurait dit que je le sentais. C'est sans doute pour cela que j'étais si triste tout à l'heure. Pourtant, pas un instant, je n'ai pensé à lui. Je me suis attaché à ce petit, moi. Il était un peu lent, un peu étourdi, léger même, si vous voulez, à cet âge qu'il ne l'est pas, mais si complaisant, si plein de bonne volonté. Sa mère, en nous le laissant, nous l'avait tant recommandé. « Je n'ai qu'à lui au monde, disait-elle. Grondez-le bien s'il est polisson ou paresseux, mais veillez sur lui. C'est la mauvaise compagnie qui me fait peur pour lui, surtout. Il est si faible. Elle avait bien raison, c'est cela qui l'aura perdu. Mais comment surveiller tous les employés quand ils sont si nombreux, éparpillés dans tant d'endroits divers? C'est impossible. Il vous échappe continuellement. Il aura été entraîné, c'est certain. Car enfin, ça ne peut être pour son propre compte qu'il vole cet enfant. Il n'est pas de force à méditer un coup pareil. Il doit avoir un ou deux complices. Le voilà qui reprend ses sens. Yanoulet revenait à lui, en effet. À mesure qu'il se souvenait, ses yeux, ses grands yeux bleus si doux, si semblables à ceux de sa mère, se remplissaient d'une terreur, d'une angoisse indicible. Il voulait parler pour demander grâce, mais il ne parvenait pas à articuler un son. « Allons, te voilà remis, malheureux, » dit Georges. « Ne tremble pas comme cela. Il ne te sera fait aucun mal. Nous allons t'enfermer dans le bureau du patron et nous te garderons sous clé jusqu'à son arrivée. Marche donc, tu ne peux pas ? Nous allons te porter alors. » « Quelle misère !» dit François, le prenant par les pieds, tandis que son compagnon le saisissait par les épaules. « Si ça ne fait pas pitié, un enfant de cet âge, ça a du cœur pour le mal et c'est faible comme un poulet ensuite. » Mais sapristi, quand on a le courage d'entrer dans une maison la nuit, on doit avoir celui d'en supporter les conséquences. « Mets-toi là, » dit Georges avec douceur, en le faisant asseoir sur le fauteuil du patron dans son bureau. « François, donne-lui donc un verre d'eau, là, sur la petite table. Et maintenant, ne bougeons plus. Il n'y a pas d'issue, mon bonhomme. Quand j'aurai fermé la porte à clé, tu seras pris, bien pris, comme une souris dans la souricière. Je vais avertir Monsieur Bonbriand que la chasse est terminée. Jolie chasse, ma foi. Partir pour prendre un sanglier et ramener un lièvre? Ah, j'en ai assez du métier de gendarme. Ça me dégoûte si jamais on m'y reprend. Oui, il est beau le métier. On croit pincer un homme, on est armé jusqu'aux dents, et on va venir quoi? Un bébé qui s'évanouit de peur. Pourquoi pas une fille aussi? Ne parlez pas des revolvers, hein? Nous serions grotesques. Mais que diable cet enfant venait-il faire ici? Pour qui volais-tu, vaurien? Car tu n'es sûrement pas assez fort pour avoir comploté cela tout seul. Laissez-le, il est incapable de répondre en ce moment. Il a besoin de se remettre de sa peur. Dès que les domestiques seront levés, je lui ferai préparer une tasse de café. Allons-nous-en, nous avons bien travaillé cette nuit. J'ai le cœur soulevé de dégoût et de chagrin. Le mal est encore plus vilain à voir de près que je ne le croyais. À qui se fier désormais si des enfants pareils à la figure d'ange se mêlent d'être des coquins? Vous venez, François? Laissons-le à ses réflexions. C'est égal, j'aime mieux être dans ma peau que dans la sienne, pauvre petit. Pauvre petit, en effet, revenu de l'horrible frayeur que lui avait faite la vue de ces deux hommes armés, Yanoulet se perdait en un chaos de pensées, plus torturantes les unes que les autres. Une d'elles, surtout, revenait sans cesse à la surface, comme dans un tourbillon, un morceau de bois qui surnage, Maï. Mais que penserait-elle? Quel serait son désespoir, sa honte, en apprenant que son Il-Ho était un voleur? Le mal était entré en lui, il s'en souvenait, le soir qu'il avait été volé les brouches avec Péroulin. Qu'elle s'était bien vengée, les maudites. Elle l'avait ensorcelée, liée jamais au péché, croyait-il. Ce qui l'ensorcelait, le liait au péché, c'était son silence, son mensonge, cette faute inavouée restée entre sa mère et lui comme une barrière. S'il lui avait tout avoué ce soir-là, quand au retour de la messe de minuit, elle le pressait avec tant de douceur de lui conter sa peine, les choses eussent été bien différentes. Elle aurait eu beaucoup de chagrin tout d'abord, mais après avoir pleuré et demandé pardon à Dieu pour son enfant, elle se serait hâtée de pardonner à son tour, la mère tendre, et de rendre le repos d'esprit au pauvre petit égaré. L'horrible obsession se serait enfuie, le laissant repentant, purifié, libre. Il aurait pu de nouveau regarder la bien-aimée en face sans se dire. Ses yeux dans lesquels elle croit lire comme dans un livre ouvert l'ont trompé, la trompe, la tromperont encore. Il n'eut pas acquis l'habitude de se dissimuler, de mentir sans cesse. Maintenant, oh, maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Le pli est pris. Tout cela est de la vieille, vieille histoire. Il se sent si découragé, si dégoûté de tout. On dit qu'il a 15 ans. Ah, n'y a-t-il pas le double qu'il vit, courbé sous l'oppression du mal, misérable esclave de sa faiblesse? Maudit soit le jour où, dans cette maison, si bonne et si hospitalière pourtant, il rencontra celui qui devait continuer l'œuvre de perdition, achever d'éteindre sa volonté, de souiller son cœur. Il aurait dû fuir, c'est vrai, mais comment se douter d'abord? Il l'avait admiré comme un dieu pour sa force tranquille, pour son courage, pour sa bonne mine, son intelligence vive et prompte. C'est Antoine que tous redoutaient, auquel le patron accordait une si grande confiance. N'était-il pas dans la maison depuis 10 ans déjà? Il portait Yanoulet à bras tendus sans trembler, sans qu'un muscle de son visage tressaillît. Les autres commis houspillaient le petit apprenti, se moquaient de lui parce qu'il était joli comme une fille, et que le patron le traitait avec plus d'égard que les autres, vu sa faiblesse, la douceur de ses manières, sa qualité d'orphelin, de fils de veuve. Ils en étaient jaloux. Lui, Antoine, le garçon de 20 ans, l'avait pris sous sa protection. « Qui touche petit me touche », avait-il solennellement déclaré un soir devant les commis assemblés dans le vestiaire, au moment du départ, alors qu'ils ôtaient leurs blouses pour mettre les vêtements du dehors. Les tracasseries avaient immédiatement cessé. On ne résistait pas à Antoine. Il avait une façon de vous soulever un mioche par les deux oreilles ou de le pendre par un pied qu'on n'oubliait pas de sitôt. Avec quelle reconnaissance émue, quelle tendresse exaltée, quel zèle l'avait-il servi, d'abord trop heureux s'il honorait en récompense d'un de ses sourires suffisants. Tout avait été joie dans cette servitude les premiers temps. Antoine le cajolait, le comblait de petits cadeaux, de sucreries volées au patron, il est vrai. Il n'aurait pas dû les accepter, bien sûr, mais comment répondre à tant de bonté par des remontrances? Comment faire la leçon à celui qui était tellement au-dessus de lui par sa position dans la maison, son intelligence, sa force, son courage? On ne faisait pas la leçon à Antoine, pas plus qu'on ne lui résistait. Au moins, s'il avait osé confier ses tourments à sa mère et lui demander conseil, il en avait bien eu l'intention et le désir, mais la barrière, la terrible barrière, plus il allait, plus il perdait le courage de la franchir, plus elle lui paraissait infranchissable. Était-il un lâche pour cela? Non. Il n'avait peur ni des réprimandes, ni des coups. La nuit, le silence ne l'effrayait pas. Il aurait passé des heures tout seul dans les ténèbres, bravé les pires dangers sur un signe de son compagnon. Mais c'est le courage moral qui lui manquait, ou plutôt la force de faire de la peine, de dire non résolument à ceux qu'il aimait. C'était comme une déviation de sa nature très tendre, très bonne. Il eût souffert 1000 morts plutôt que de chagriner sa mère. Pourtant, il faisait tout ce qu'il fallait pour la désespérer. Élevé par un être faible, auquel il ressemblait trop, il n'avait pas appris à exercer sa volonté, à la diriger, à faire de sa tendresse un puissant mobile pour le bien, une force, un levier. Mal dirigée, elle devenait un piège. Pour ne pas peiner Père Houlin, autrefois, il l'avait suivi à la terricole. Pour ne pas l'humilier, le fâcher, il avait pris sans envie la pièce blanche. Pour ne pas le trahir ensuite, pour ne pas chagriner sa mère, il avait caché ses remords, ses regrets cuisants. Et puis, toujours ainsi, toujours de chute en chute. Comme son cœur battait le soir où son mouvement tentateur lui avait dit à voix basse « Petit, tu m'aimes bien, tu m'es dévoué, n'est-ce pas? Tu as confiance en moi, tu sais que je suis ton ami. Eh bien, écoute et fais ce que je te dis. Quand François aura fermé la fenêtre du magasin de réserve donnant sur la cour, faufile-toi sans qu'on te voie et tourne l'espagnolette après lui, qu'il n'y ait plus ensuite qu'à pousser pour ouvrir. Mais pourquoi faire? Cela ne te regarde pas. » Quelle idée avait-il pensé? À quoi bon ouvrir la fenêtre puisqu'il y a des barreaux de fer qui empêchent de pénétrer à l'intérieur? Et il avait obéi sans comprendre, certain de ne pas nuire à son patron. Mais un soir, quelle avait été son horreur en s'apercevant que le barreau mal remis en place a été scié. Brusquement, il avait compris. Que faire? Trahir son protecteur, son ami, avertir son maître, c'était sûrement là le devoir. Mais son tyran avait lu ses indécisions sur son visage. « Qu'as-tu ? » lui avait-il demandé en fronçant ses terribles sourcils. Sans cesse, il le trouvait à ses trousses, lui corrompant l'âme de ses paroles insinuantes, le terrorisant de ses menaces. « Ne t'avise pas de faire le malin ou tu auras affaire à moi, tu m'entends ?» lui disait-il de ses terres qui le subjuguaient. « Pas de bêtises, tu n'as rien vu, tu ne sais rien. Tu es innocent comme l'enfant qui vient de naître, puisque c'est sans savoir que tu t'es engagé. » « Mais tu es engagé, tu dois tenir ta promesse ou tu n'es qu'un lâche. Et puis, si tu me trahis, tu es aussi perdu que moi. N'es-tu pas mon complice? De plus, tu serais un ingrat. N'oublie pas mes bontés pour toi. » Ainsi, de concession en concession, il avait roulé toujours plus bas sur la pente, jusqu'à voler lui-même les marchandises que son ami lui commandait de venir chercher. Qu'en faisait-il? Il n'en savait rien. Il ne voulait pas le savoir. Tous les matins, à l'aube, il se glissait dans les magasins de dépôt et prenait le paquet préparé la veille par le corrupteur qui l'attendait au dehors, le lui portait, puis n'en entendait plus parler. C'était le cauchemar de toutes ses nuits. Chaque soir, en partant, Antoine lui glissait à l'oreille « La fenêtre ?» Il répondait « Oui. Demain à 4 heures ?» Oui, et c'était tout. Jamais il ne manquait à l'odieux rendez-vous. Il dormait d'un sommeil lourd, mais à l'heure dite, il se réveillait. Et avec l'angoisse d'une obsession impossible à secouer, il se levait et marchait où la volonté inflexible de son camarade le poussait. Et cela durait depuis 3 mois. Une espérance lui traversa le cœur. S'il allait être libre enfin, ah, les punitions les plus cruelles, la prison même lui paraîtrait douce auprès de cette tyrannie implacable qui tenait sa volonté prisonnière. Ce serait le salut, la délivrance. La délivrance? Oui, mais sa mère, le coup serait terrible. Comment le supporterait-elle? Non, non, il est trop tard maintenant. Le nombre de ses méfaits est trop grand. La désillusion serait trop affreuse. De quel front aborderait-il celle qui demandait avant toute chose à Dieu de préserver son fils unique du mal en dehors et surtout en dedans? Comme elle avait raison. En dedans, oui, c'est cela qui est le plus mauvais. Comment, avec ce cœur lourd de péché, oser se présenter devant la sainte, à laquelle il a tant de fois promis d'être un honnête homme, devant cette veuve qui a mis tout son bonheur, toute sa vie en lui, et dont il a si odieusement méconnu la tendresse, trompé les espérances. Et puis quelle honte de paraître tout à l'heure auprès de ses camarades, de retourner chez lui chassé comme un voleur. Une fois, il a vu un homme amené entre 2 gendarmes. C'était un soldat, un déserteur, un pauvre enfant chétif et pâle, qui tournait autour de lui des yeux effarés, qui baissait les épaules sous les injures des passants. Il avait un air si misérable, si abject, que cette image ne s'était plus effacée de l'esprit de Yanoulet. Jamais, non jamais, on ne le prendrait comme cela. Mieux vaudrait 1000 fois mourir, ou fuir d'abord. Oui, fuir, mais comment? La pièce dans laquelle il est enfermé est éclairée par un jour de souffrance, très haut placé, simple carreau de vitre, fixé au mur par un châssis de bois. Monter là-haut n'est rien pour un dénicheur de nid comme le petit paysan, mais en brisant le verre, il attirera du monde dans la rue. Il fait jour maintenant, les gens commencent à circuler. Il y a toujours des sergents de ville sur la place, tant pis. Il n'a pas le choix. Un bruit de porte dans la maison l'avertit que le patron est levé et qu'il va venir. Brusquement, il se décide, grimpe comme un chat le long des rayons chargés de paperasses, brise la glace d'un coup de poing vigoureux et disparaît.